Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XXVIIe épisode, mort et résurrection. Mes chers auditeurs, c'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles du célèbre professeur Bondonna, assassiné par les bandits de la Main Rouge. Je vous parle de l'une des fenêtres d'un gratte-ciel qui domine la place de la gare du Central Pacific Railroad de San Francisco, où va se dérouler la cérémonie. Depuis ce matin, une véritable marée humaine n'a cessé de déferler dans les rues de la ville. On estime à plus de 2 millions de personnes la foule qui est venue rendre un dernier hommage à la dépouille de l'illustre savant. À toutes les fenêtres claquent des milliers de drapeaux américains et français. Écoutez la rumeur de la foule. Les applaudissements que vous entendez saluent l'arrivée des délégations officielles qui prennent place sur la tribune que domine un gigantesque portrait du professeur Bondonna. On peut y reconnaître les délégués des académies des sciences de tous les pays de l'ancien et du nouveau monde, les sénateurs des États de l'Union, des ambassadeurs, ainsi que les chefs des familles des 500. Oui, rappelons pour nos auditeurs étrangers que les 500 sont les 500 familles les plus riches des États-Unis. À l'instant où je vous parle, deux femmes voilées viennent de prendre place sur l'estrade. Il s'agit, je pense, de Mademoiselle Frédérique Bondonna, la fille du grand savant, et de sa filleule Andrée de Maupreuil. Elles sont accompagnées de leurs fiancés, oui, messieurs Pagano et Ravenel. Oh, mais attendez, non, je ne me trompe pas, il se passe quelque chose, oui. Attendez, là-bas, en effet, le cortège approche. Oui, de là où je suis, je distingue un escadron de policemen à cheval que suivent 500 musiciens. Écoutez. Vous devez déjà pouvoir entendre les premières notes de la marche funèbre. Je vous rappelle que c'est le célèbre docteur Cornelius Graham qui doit prononcer l'oraison funèbre au nom de l'Académie des sciences de New York. Et maintenant, je vous laisse écouter la cérémonie en direct. Je n'interviendrai que s'il se passe quelque chose de nouveau. Mais nous n'arriverons jamais à temps au Palace Hotel. Qu'en penses-tu, Rapopov? Je pense, petit père, que tous les gens, ça me donne des vertiges si on a mené en arrière. Mais cela me semble absolument difficile. Chauffeur, $100 pour vous si vous nous emmenez en 5 minutes au Palace Hotel ou au moins à un endroit où je puisse téléphoner. Impossible, sir. Même pour $1,000. Vous voyez bien que nous sommes bloqués par la foule. Rien à faire, sir. Si j'insiste, nous allons nous faire écharper. Par contre, si vous montez sur le toit de mon taxi, vous serez aux premières loges pour assister à la cérémonie. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Regardez, monsieur Bondonna. Là-bas, au-dessus de l'estrade, on dirait que c'est votre portrait. Eh oui, c'est mon portrait. Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à son propre enterrement, ma petite, à toi. Et puis, tu vois là-bas, ces deux jeunes filles en noir. Eh bien, l'une d'elles est ma fille Frédérique. Frédérique, mon enfant. Mon Dieu, comme elle doit être malheureuse. Et comment la prévenir? Comment faire? Au début de ce reportage, voici l'instant où monsieur le docteur Cornelius Graham va prendre la parole au nom de l'Académie des sciences de New York. C'est le docteur Cornelius! Yes! Consculteur de chair humaine! C'est vous, je ne vois rien! Taisez-vous, il va parler! Mais ne poussez pas, voyons! Un discours! Un discours! Mais taisez-vous! Mais on n'entendra rien! Mesdames et messieurs, le savant auquel nous venons rendre ici un juste et public hommage fut une des plus nobles intelligences dont puisse s'honorer l'humanité. Grâce à lui, le savoir humain a accompli d'immenses progrès. Et si la mort n'était pas venue le frapper dans des circonstances aussi mystérieuses, il aurait, sans nul doute, encore enrichi notre patrimoine intellectuel de découvertes comparables à celles qui ont tant contribué à sa gloire. Monsieur Prosper Bondona est mort assassiné. Et si je suis aujourd'hui parmi vous, si je suis... Tiens, il s'arrête de parler. Et pourquoi, monsieur Bondona? Mais on dirait qu'il regarde de notre côté. Mais qu'est-ce qu'il a? En effet, Atoara, j'ai l'impression que son regard vient de croiser le mien et qu'il m'a reconnu. Je disais donc que... Mesdames et messieurs, excusez une émotion bien légitime, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Il est trop ému pour continuer. Quelle sensibilité! Tout pâle! Qu'est-ce qu'il a? Mais mon Dieu! C'est arrêté! Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Mesdames et messieurs, je reprends l'antenne pour un très court instant, car il semble qu'il se passe quelque chose. Le docteur Cornelius Cram est tellement ému qu'il a dû... Mais que vois-je? Un chien? Un énorme chien vient de se précipiter à travers la foule. Vers un spectateur à cheveux blancs, on dirait... De là où je suis, il est assez difficile de voir. Attendez, je vais essayer de pencher. Oui, ce chien est suivi par un jeune homme bossu qui... Je ne vois pas très bien. Si, ça y est, je vois. Oh oui, mais c'est cela, mais... Le chien s'est précipité sur le monsieur aux cheveux blancs qui... Oh, mes chers auditeurs... Mais non, mais... Je ne rêve pas, mais ce monsieur ressemble étrangement au professeur Bondona lui-même. D'ailleurs, la police arrive. Elle entoure le petit groupe, on dirait que... Je vais essayer de m'approcher, j'espère que vous pourrez entendre l'événement en direct sur nos antennes. Je vous laisse écouter, je vais me renseigner, je reprendrai l'antenne dès que je saurai quelque chose. Pistolet, mon bon pistolet. Oui, mon petit, oui. Alors poussez-vous. C'est pas la place d'un chien ici. Non, je vous en prie, ne tuez pas ce chien, c'est le mien. Enfin, laissez-le. Tu veux revenir, oui? Oh, mais... Oh, monsieur Bondona! Monsieur Bondona, mais c'est vous! Oh, vous êtes pas mort! Mais vous êtes vivant, alors! C'est fantastique! Oh, est-ce que je suis heureux? Vite, venez avec moi! Venez par là, vers la tribune! Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! Voyez bien que c'est monsieur Bondona! Oh, comme Frédéric va être heureuse! Mademoiselle Frédéric, regardez qui est avec moi! Tu es vivante. Tu... Oh. Frédéric, mon enfant, sa joie a été trop brusque. C'était... Debout. Allez, monsieur, suivez-nous. Mais lâchez-moi, voyons. Vous voyez bien que ma fille vient de se trouver mal, tout de même. Pas d'histoire. Au nom de la loi, je vous arrête. Mais laissez-le, voyons. Vous voyez bien que c'est monsieur Bondona. Il a rien fait. Rien fait? Se faire passer pour le grand savant au moment même où toute l'Amérique s'est dérangée pour ses obsèques. Allez, suivez-moi. Enfin, je vous jure que je suis bien Prosper Bondona, voyons. D'accord. Vous expliquerez ça au commissaire, je suis sûr que ça l'intéressera beaucoup. Allez, au poste et en vitesse. Mais enfin, monsieur le commissaire, puisque je vous dis que je suis bien Prosper Bondenat. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, je suis le président des États-Unis. Mais enfin, je peux vous le prouver. Tout ce que je sais, c'est que... il y a trois personnes qui demandent à vous voir. Ils sont recommandés par le milliardaire Fred Jorgel, alors... je ne peux pas... Bon, enfin, je suis bien obligé de... gardien ! Gardien, faites entrer les trois messieurs qui attendent dans le couloir. À vos ordres, commissaire. Messieurs, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Oh, monsieur Bondenat ! Monsieur Bondenat ! Enfin, Ravenel, Pagano ! Et toi aussi, Oscar, à mes amis, comme je suis heureux de vous voir. Monsieur Bondenat, mais c'est un véritable miracle. Mais vous voulez dire que cet homme... Eh bien, monsieur Bondenat, bien sûr, monsieur le commissaire. Et nous vous serions reconnaissants de le libérer immédiatement. Nous nous en portons garant. Ah, oui. Enfin, d'ailleurs, voici mes papiers, monsieur le commissaire. Mais dites vite, Ravenel, comment va Frédéric ? S'est-elle remise de son évanouissement ? Oh, elle va très bien, monsieur Bondenat. Elle nous attend au Palace Hôtel en compagnie du Cosaque Rapopov et de la petite océanienne qui vous accompagnait. Fred Jorgel nous y rejoindra avec sa fille dans un petit moment. Et voilà. Maintenant, vous savez tout de mes aventures. En somme, tout est bien qui finit bien. Mais où est donc Harry Dorgan ? J'aurais été enchanté de faire sa connaissance. Eh bien, vous le verrez d'ici peu. Il est en ce moment à New York, où l'extension prise par la compagnie des paquebots éclairs rend sa présence indispensable. Je veux bien vous croire, Sir Jorgel. Par contre... je trouve inadmissible que Lord Buridan et le fidèle Cloum ne soient pas dérangés pour mes obsèques. Vous devriez pourtant le connaître, père. Vous savez bien qu'il n'en fait toujours qu'à sa tête. Eh, Frédéric a raison. Nous n'étions pas plutôt arrivés à San Francisco qu'il nous a quittés, sans nous dire où il allait, en compagnie de Cloum et de son ami Agénor Marmousier. Mais soyez tranquille, tel que nous le connaissons, il réapparaîtra un de ces jours sans crier gare. J'aurais pourtant bien aimé le revoir avant de repartir pour la France. Repartir pour la France ? Mais il n'en est absolument pas question. Pas question, mais pourquoi ? Excusez-moi d'être aussi catégorique, cher ami, mais ma fille Isidora tient énormément à ce que vous soyez témoin à son mariage. Oh oui, monsieur Bondenat, cela nous ferait tellement plaisir, à Harry et à moi. Vous voulez bien ? Ben c'est que... Et puis, maintenant que vous êtes parmi nous, rien ne s'oppose plus au mariage de mademoiselle Frédéric avec monsieur Ravenel. Celui de mademoiselle André avec monsieur Pagano. Pourquoi ne célébrerions-nous pas ces trois mariages ensemble, hein? Pourquoi? Ma foi, André, Frédéric, qu'en pensez-vous? Je vois que je suis victime d'une véritable conspiration. Eh bien, je suis d'accord. Eh bien, parfait. Je vais donc dès demain prévenir les journaux. Ce sera le mariage le plus grandiose que New York ait jamais connu. Ensuite, je vous invite tous dans la propriété que je viens d'acheter... sur les bords du lac Ontario. D'ailleurs, Oscar, une surprise t'y attend. Une surprise, sœur ? Oui, mon cher Oscar, oui. Tu ne devineras jamais qui j'ai engagé comme régisseur. Devine ? Non, tu ne devines pas. Monsieur Bombrich. Le clown ? Oui ! Il nous y attendra avec quelques-uns de tes amis du Gorilla Club. Mais alors, mademoiselle Régine y sera également ? Ah ! Oscar est amoureux ! Oscar est amoureux ! Allez-vous, chère madame Ravenel? Très bien. Et vous, chère madame Harry Dorgan? Oh, mais enfin, arrêtez toutes les deux. Oh, madame Pagano a l'air choquée. Oui, justement. Vous aviez raison, sœur Jorgel. Quel merveilleux pays. Regardez, le lac est aujourd'hui d'un bleu. C'est magnifique. Depuis 4 mois que nous sommes ici, je ne m'en lasse pas. Vous aviez vraiment raison d'insister. Vous voyez, monsieur Bourdonna, vous voyez. J'étais sûr que j'arriverais à vous faire oublier votre Bretagne. Non, non, non, quand même pas. Entrez. Ah, c'est vous, Brombridge? Qu'y a-t-il? Une visite, sœur. Visite? Serait-ce déjà William Dorgan? Il devait pourtant arriver que dans 2 heures. Eh non, non, non, ce n'est pas William Dorgan. Lord Puritan. Nous nous demandions tous ce que vous deveniez. Eh bien, je suis toujours vivant. Ah, monsieur Bourdonna, comme je suis heureux de vous revoir. Que d'aventures, n'est-ce pas, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Oui, que d'aventures, en effet. Je vois avec plaisir que vous n'avez pas changé. Et non. Mais permettez-moi de vous présenter nos amis. Mais je connais tout le monde. Non, non, non, non, pas tout à fait. Vous ne connaissez pas Rapopoff, mon fidèle compagnon. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous, Rapopoff. Que la Vierge des Casagnes veille sur toi, petit père. Merci, Rapopoff. Et je suis sûr que cette ravissante jeune fille est sûrement Atoira. Hein? Bonjour, Atoira. Bonjour, monsieur. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter Madame Harry Dorgan, Madame Antoine Pagano et Madame Roger Ravenel. Ah, je vous présente à retardement mes meilleurs voeux de bonheur, mesdames. Ah, je ne sais, Miller, si nous devons les accepter. Oh. Nous vous en voulons beaucoup, toutes les trois. C'est vrai. On n'abandonne pas ainsi ses amis. Ne même pas vous êtes dérangés pour notre mariage? C'est inadmissible. Mesdames, mesdames, mesdames, je vous fais mes excuses les plus humbles. Ce n'est pas pour rien que l'on m'appelle l'excentrique. Il faut donc que mes amis aient assez d'indulgence pour fermer les yeux et m'accepter tel que je suis. Lui pardonnerons-nous, mesdames. Ah, oui. Ma foi. Mais qu'il ne recommence pas. Nous vous emmenons, leur buridon. Et où allez-vous, mesdames? Rejoindre Roger, Antoine et Harry qui font une partie de tennis. Eh bien, ma foi, si vous le permettez, j'aimerais bien rester bavarder un peu avec mon ami Bondona, que je n'ai pas vu depuis si longtemps. Bon. Eh bien, à tout à l'heure. Oscar, Atoira, Rapopa, vous venez? Et vous, père, viendrez-vous nous regarder? Oui, ma fille, oui, je viens. Car tout à l'heure, ton beau-père va arriver et j'aurai à causer avec lui. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Alors, avez-vous reçu mes lettres? Oui. Avez-vous découvert quelque chose de nouveau? Rien encore, mais je crois être sur une bonne piste. Je n'ai aucun résultat précis et j'attends. Je ne veux agir qu'à coup sûr. Surtout, soyez prudents. Ils sont redoutables. Vous n'avez pas besoin de me faire cette recommandation. Je n'ai rien dit pour ne pas effrayer nos amis. Mais n'avez-vous pas remarqué que les membres de la Main Rouge qui ont été arrêtés sont tous des bandits subalternes? Les hommes qui sont à la tête de l'association n'ont pas même été soupçonnés. Oui, c'est vrai. Ah, ils sont sûrement remarquablement intelligents. Ils ne sont pas seulement intelligents, ce sont également de véritables savants. Je suis encore émerveillé de ce que j'ai vu dans le laboratoire souterrain de l'île des Pendus. Mmh. Ces gens-là sont aussi forts que le docteur Carrel. En fait, je ne connais qu'un homme en Amérique qui soit arrivé à ce degré de science. Et c'est? C'est le docteur Cornelius Cram. Ah, j'y ai pensé aussi. Et savez-vous qui est le propriétaire de l'île des Pendus? Eh bien, c'est Fritz Cram, le frère de Cornelius. Oui. Mais il a parfaitement prouvé son innocence. Oui, c'est possible. Mais ce que je m'explique moins, c'est que l'enquête que l'on a faite sur le laboratoire souterrain dont vous aviez indiqué l'emplacement n'est donné aucun résultat. Mmh. On a trouvé à cet endroit qu'un ravin déchiré par une explosion de dynamite. Oui, les lords de la Main Rouge sont décidément très forts. Mais pour en revenir au frère Cram, je sais, d'après le récit que m'en a fait Lorenza, la guérisseuse de perles, que ce sont des gens capables de tout. Ils se sont rendus coupables plusieurs fois de vol et même de chantage. Oui, peut-être, mais il ne manque pas de gens peu scrupuleux et ils ne sont pas tous pour autant l'homme de la Main Rouge. J'ai également un autre indice qui pourra vous servir. Dernièrement, le docteur Cornelius, dont j'admire énormément la science, est venu nous rendre visite en compagnie de son frère et de Joey Dorgan. À un moment, ils se sont trouvés tous les trois placés l'un à côté de l'autre, eh bien j'ai eu l'étrange impression de me retrouver en face de ces trois hommes masqués qui me dictaient leurs ordres dans l'île des Pendus. Même taille, même corpulence, même voix. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais cela m'a fait un effet bizarre. Oui, évidemment. Enfin, ce ne sont pas des preuves. Bien sûr, mais mon instinct me dit que ces gens-là sont suspects. Ainsi, ce Joe Dorgan, je suis sûr de l'avoir vu quelque part déjà. Mais laissons cela pour le moment. Et vous, qu'avez-vous découvert de votre côté ? Eh bien, en fait, rien qui vaille la peine d'être mentionné. Depuis un mois, je suis entré sous un déguisement au service de William Dorgan afin de pouvoir surveiller les faits et gestes de son fils Joey. Mais j'avoue que jusqu'à présent, je n'ai rien découvert. Ben, il est intimement lié au frère Cram, n'est-ce pas ? Oui, oui, mais enfin, cela n'a rien d'extraordinaire. Les deux frères possèdent des parts importantes dans le trust. Enfin, j'avoue que tout cela est quand même bizarre. Enfin, j'espère que d'ici peu, j'aurai du nouveau. Bien entendu, Monsieur Bondona, tout cela doit rester entre nous. Il serait parfaitement inutile d'inquiéter nos amis. Bon, eh bien, il est temps que j'y aille. Et William Dorgan, d'après ce que j'ai compris, doit arriver d'un moment à l'autre et je préfère ne pas le rencontrer. Quand vous reverrai-je ? N'en sais rien. Je vous écrirai. Oui, j'allais oublier. Si les recommandations que je pourrais vous faire avaient une importance particulière, je mettrai un X au-dessous de ma signature. Bon. Cet X voudra dire qu'il faudra faire exactement ce que je vous demanderai de faire dans ma lettre, aussi étrange que cela puisse vous paraître. Moi, c'est entendu. Bien. Eh bien, alors, à bientôt. Et excusez-moi auprès de ces dames. Elles vont encore m'en vouloir de filer ainsi à l'anglaise. Au revoir, cher ami. Il jouait si bien au tennis. Ah, c'est vrai, il a un smash redoutable. Ah oui. Ah, Antoine et Angèle ne se défendent pas mal non plus. L'empiridant. Si vous aviez vu ce match extraordinaire. Où est-il? Il m'a chargé de l'excuser, il a dû partir d'urgence. Oh, encore? Oh, il exagère. Non, cette fois-ci, je crois qu'on... Oui? Entrez. Monsieur Bonbridge, qu'y a-t-il ? Votre beau-père vient d'arriver, madame. Il est dans le petit salon avec Sir Fred Yorgel. Eh bien, nous allons les rejoindre. Oui, allons. Oublions nos vieilles querelles, mon cher ami. J'ai gagné la première manche en accaparant la totalité des productions de maïs et de coton, mais je crois que vous allez avoir votre revanche. Je ne sais pas, mon cher, je ne sais pas. En tous les cas, il est certain que si la compagnie des paquebots éclairs continue de s'étendre, nous serons de nouveau en lutte. Bien sûr. Quand vous aurez accaparé tous les moyens de transport par eau, nous serons bien obligés d'expédier nos marchandises au tarif que vous déciderez. Vous savez très bien que nous nous arrangerons toujours. Elle, qu'il ne soit plus jamais question entre nous de bataille, d'intérêt, ni de lutte financière. La compagnie sera toujours prête à vous faire des prix. En fait... Si nous nous étions brouillés à mort, c'est surtout parce que je subissais un peu trop l'influence de mon fils, Joe. Mais maintenant qu'il s'est réconcilié avec son frère, il est devenu plus raisonnable. Mais ne parlons plus affaires. Voici les trois petites et Monsieur Bondona. Eh bien, mes enfants, auriez-vous déjà abandonné vos maris ? Ah non ! Mais ce sont des acharnés de tennis. Ils veulent absolument terminer leur match. Monsieur Bondona, je crois que vous ne connaissez pas mon beau-père, n'est-ce pas ? Mais non, ma chère enfant. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Et j'en suis ravi, cher maître. Je me réjouissais de faire votre connaissance. J'espère que vous allez rester quelques jours avec nous, père. Ma petite Isidora, je suis surtout venu vous voir pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Je me propose de vous emmener tous dans la propriété que je viens d'acheter... En Floride. Le climat y est délicieux à cette époque de l'année. Mais pourquoi ne resteriez-vous pas ici quelques jours ? Et ça serait beaucoup plus simple, non ? Mais je reviendrai, soyez tranquille. Mais je veux d'abord avoir le plaisir de vous avoir pour hôte, Monsieur Bondona. Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est que... Oh, père, dites oui. Eh bien, oui. Et vous, cher ami? J'ai l'impression que si je refusais, ma fille m'en voudrait beaucoup. Oh, ça sûrement, père. Tout ce que je souhaite, c'est que Harry, qui doit repartir ce soir pour New York, puisse venir nous y rejoindre. C'est donc d'accord. Nous partirons demain. Voulez-vous? Mais dites-moi, je ne vois pas le jeune Oscar, dont j'aurais bien aimé faire la connaissance. Est-il également un joueur de tennis acharné? Ah, il est séquestré. Séquestré? Oh, rassurez-vous, cette fois-ci, ce n'est pas la main rouge. Ce pauvre Oscar est séquestré par mon père et par mon mari depuis plus d'un mois. Mais chut, c'est un secret. Alors si c'est un secret. Mais j'espère qu'il pourra nous rejoindre. Lui aussi est invité, bien sûr. Ah, j'avais oublié de vous le dire. J'ai réservé un pullman dans le train qui part de la gare de Rochester demain soir à 10h30. Est-il vrai, comme le dit Bondona, que tout est bien et qui finit bien? Le bonheur n'a-t-il pas une fin? La main rouge se retiendra-t-elle longtemps de frapper? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, La Dame aux Scabieuses. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 27e épisode, Mort et résurrection. Avec Michel Bouquet, Jean Vienner, Julien Guillaumard, Pierre Vanek, Maya Simon, William Corinne, Laurence Bourdil, Michael Thomas, Pierre Constant, Gilles Guillot, Yves Arcanel, Robert Parti, Catherine Laborde, Catherine Hubot. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 2 février 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.